Voilà, c'est l'intempestive. Dans l'intempestive, aujourd'hui, c'est l'histoire populaire de la Clé des Ondes. La Clé des Ondes, c'est une radio bordelaise qui existe depuis 1981 et qui émet là-bas sur le 90.1. C'est Gilbert Hanin, des anciens de la radio, qui m'a fait découvrir ces locaux et qui m'en a raconté l'histoire. Et à peine était-on rentré dans les studios qu'il a sorti deux papiers de sa poche, qu'il s'est installé à la régie, et ça a commencé comme ça. Juliette, vous ne la connaissez pas, c'est quelqu'un qui vient de Paris, oui, les fréquences, Paris Pluriel, une radio que vous connaissez, enfin nos auditeurs connaissent, et qui vient donc pour faire une petite émission sur la radio. Alors je voulais tout simplement vous rappeler qu'aujourd'hui, le vendredi 27, il y a un meeting du parti de gauche, du parti communiste, qui a lieu donc à Villeneuve-d'Ormont, la salle Le Cube. Alors, en étant sur place à partir de 19h, il y aura à boire et il y aura à manger. Voilà. Alors, c'était, n'oubliez pas ce soir d'y être. La Clé des Ondes sera présente et pour la conférence de presse et pour le meeting, pour enregistrer aussi les intervenants, de larges extraits que vous pourrez écouter. Mais ne prenez pas cette excuse pour ne pas y aller. Ça vaut le coup d'y aller. Vous savez, les meetings, c'est toujours intéressant. Ça dynamise et ça permet qu'on se retrouve tous ensemble, enfin ceux qui veulent partager et ceux qui veulent changer le monde. À tout à l'heure, je vous remets de la musique et avant de partir de cette radio, je referai une émission. Salut! Et tu annonces un compte-tu? Ah oui, mais j'ai toujours des petites poches avec des infos quand je passe. C'est vrai? Oui, mais ça permet de. Bon, on les fait les annonces dans mes émissions, mais bon, de temps en temps, comme ça, t'en as qui écoutent, qui sont pas forcément. Est-ce que c'est des bandes continues qui passent dans là, c'est l'ordinateur, là, ouais, dans la journée, ouais. Parce qu'en général, bon, les émissions, c'est surtout bon, l'après-midi et le soir, quoi. Enfin, tu verras dans le. Mais c'est des directs. Les ah oui, des directs. Parlées, oui, c'est que des directs. Des directs. Et puis après, on est avec, comment il s'appelle là, RF, l'EPRA. Ah, oui, on est en relation avec l'EPRA. Donc le matin, Marc, en général, de 10h à peu près vers 11h, 11h30, bon, mais il met une émission de l'EPRA qu'on a sélectionnée. Voilà. Donc ça, c'est le matin, quand il arrive, il met une émission de l'EPRA. Et ensuite, dans le cadre de. Des émissions qui ont lieu la veille, on rediffuse. Hein? Par exemple, moi, je fais une émission qui s'appelle Point Chaud de 18h30 à 19h et une autre, un magazine, Kaleidoscope, de 19h à 20h. Ils le rediffusent le mardi à midi. Parce qu'on s'est rendu compte que des personnes nous écoutaient dans la journée et ils tombaient sur cette émission, ils nous envoyaient des mails, ils nous rappelaient pour savoir si cette émission elle existe depuis longtemps, tout ça, voilà. Et ton émission, c'est sur quoi? Alors, mon émission, bon, il y a ma première émission, c'est 18h30, 19h, c'est Point Chaud. On a sur la Clé des Ondes réservé toute une frange d'horaire de 18h30 à 19h tous les jours, qu'on ne donne à personne, qui nous sert à intervenir sur l'actualité à Bordeaux. Une grève, une manifestation, bon, un militant est sur place, il prend du son, on vient de 18h30 à 19h. Tous les militants de la Clé des Ondes peuvent l'utiliser. Donc, je l'assure régulièrement tous les lundis. Et après, je fais un magazine. Donc, alors, les principales émissions, bon, on est quand même une radio associative, militante, je mets entre guillemets, mais associative et, bon, on participe un peu au mouvement altermondialiste. Donc, on essaye de faire passer toutes les émissions qui ont un caractère social, politique et syndical. Donc, voilà un petit peu notre démarche. Oui. Ça, c'est le bruit de l'émetteur de la Clé des Ondes qui se trouve donc sur place. C'est une pile de quatre machines comme ça. C'est beaucoup plus simple qu'au début où c'était beaucoup plus gros. Vous avez une affiche d'eux parce que vous, ah, mais la compagnie Joliment, ah non, c'est, on a plus qu'une affiche d'eux, on travaille régulièrement avec eux. Hein, c'est pratiquement une fois tous les 2 ans, en fonction de leur nouveau spectacle. Bon, on les fait venir et puis on organise un spectacle parce qu'on a aussi des activités extérieures à la radio. D'accord. On n'a pas que la radio, on organise aussi la compagnie Jolimôme, on a fait venir ceux-là, là, comment ils s'appellent, les Malpolis de Toulouse. Mm-hmm. Hein, on a fait venir Zelda à l'époque. On a travaillé avec, avec l'ASTI pendant un certain moment, l'ASTI, l'Association de solidarité des travailleurs immigrés. On a travaillé assez longtemps avec eux. Et pratiquement pendant 17 ans, tous les ans, au mois de juin, on faisait un concert contre le racisme et pour l'égalité. Donc on a fait venir des groupes, Zebda, qui était à peine qui démarrait au début, Taki Collectif, on a fait venir énormément de concerts, de personnes, d'artistes. Et vous, mais vous étiez, ça se passait où en fait Public, dans Place Saint-Michel, c'était ouvert à tout le monde, gratuit, concert gratuit. On est arrivé à des taux de remplissage extraordinaires. Manu Dibango, 10 000 personnes. Ouais. On a ici que la salle où chaque animateur, pratiquement d'émission, a son casier, dans lequel on est le courrier, ce qui les concerne. Moi, c'est souvent les factures. Toi, tu es le trésorier de l'association ? Ben, je suis président. Enfin, parce qu'il faut un président. Hein. Et puis après, bon, on est dans la trésorerie. Enfin, on est deux ou trois, on s'occupe pratiquement de tout. Hein. Et les uns des papiers, les autres des demandes, des conventions, des rencontres. Bon, c'est toujours pareil. Hein. C'est que, on a beaucoup d'animateurs. Mais en fin de compte, après, quand il faut passer au travail administratif, c'est là où... Enfin, comme partout, hein, c'est pas les tâches les plus, entre guillemets, nobles. Mais bon, on essaye de voir un peu administrativement comment on peut rapidement faire ces dossiers. Là, actuellement, on est sur les demandes de subventions. Donc, on est en train de chercher à toutes les associations avec qui on a travaillé, qui ne sont pas de la radio, pour passer des conventions avec eux ou avec elles. Ça nous permet d'avoir un dossier un peu plus rempli. Hein. Par exemple... on a eu cette année, l'année dernière, l'occasion de travailler avec un collège, hein, qui sont venus nous voir parce que les jeunes étaient intéressés par la radio, par les techniques. Alors ils se sont rendus compte que dans les radios type énergie, fun et compagnie, en province, c'était des appareils électroniques. Il y avait très peu d'intervenants. Donc on est de plus en plus sollicités parce qu'on a une radio, il y a des militants, il y a des personnes, ça vit quoi. Alors bon, on peut pas... On peut mettre les mains dans le cambouis. Oui, oui, là, ils peuvent venir carrément nous voir, participer à la technique. On leur fait. Moi, je vois, chaque fois que j'ai des petits collégiens ou des lycéens qui viennent en stage, je leur fais faire des petits sujets hein, qui les concernent. Alors, ils le travaillent, ils essayent de le faire. Il y en a qui slament, alors ils viennent me faire des petits trucs de slam. Bon, c'est sympa, voilà. Et puis, donc, on est de plus en plus sollicités. Alors, tous ces gens-là avec qui on travaille maintenant, on leur demande de faire des conventions. Pour qu'on ait dans notre dossier de demande de subvention des choses qui font qu'on n'est pas une radio, point, et sans plus. On travaille beaucoup à l'extérieur, on essaye de rester dans des thèmes sur lesquels on est impliqué, comme la Palestine, le Liban, l'Afrique. Donc on essaye de voir, en fonction de ce qui existe au niveau national et des contacts qu'on a, d'organiser soit un débat, soit un film et un débat. Donc on travaille beaucoup avec l'Utopia, qui est une salle indépendante. Donc avec eux, on organise souvent une projection d'un film. L'année dernière, on a fait par exemple un film qui s'appelle Sous les bombes. Ça se passait au Liban. Voilà. Et comme à l'occasion, on était en contact avec un écrivain qui avait fait un livre sur le Liban, plus spécialement sur cette période-là, on l'a invité. Donc on a organisé un débat, ce qui était très intéressant, puisqu'on a rempli la salle de 250 places, et on a même refusé du monde. Vous les retransmettez, les débats que vous organisez ? Alors, soit on les retransmet, on les enregistre en tout cas. Alors si c'est exploitable, parce que bon, il faut que ce soit exploitable, on les retransmet, quelquefois c'est un peu plus difficile. Alors donc on les garde en archive, et puis bon, à l'occasion d'événements, on les ressort. Je prends un exemple précis, il y a quelques années, à peu près 10 ans, Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien, qui était de passage à Bordeaux dans le cadre du printemps des poètes. J'avais été donc pour essayer de l'interviewer, mais c'était assez compliqué. Ce qui était intéressant surtout, c'est qu'il a déclamé un poème en arabe et que j'avais pu enregistrer. Alors, donc je l'ai gardé dans mes archives pendant des années. Et dernièrement, donc, comme vous savez, il est décédé. Et on a organisé avec une association qui s'appelle Biblio film débat de Samir Abdallah sur les poètes en Palestine. Et on a retrouvé cette vieille cassette audio que j'avais dans mes archives. Je l'ai retranscrite sur l'ordinateur et puis on a fait donc parler le poète de façon intéressante dans la salle, quoi. Et on a enregistré tous les poèmes qui ont été lus, tout ça. Donc tout ça, on les garde et puis de temps en temps, quand ça nous fait quelquefois, tu sais comment on dit, les émissions frigo. Quand on n'a pas bien préparé, qu'on n'a rien, on dit, allez, on sort. L'émission frigo, vous appelez voilà. Ça. On met au congélateur, on attend. Puis le jour où on n'a rien, on dit, bon, allez, hop, on sort ce truc-là. Et c'est d'actualité. Hein. On a l'avantage d'avoir ici sur place le président d'Attaque France, Jean-Marie Arribé. Alors, de temps en temps, il fait des conférences, on enregistre. Et puis, quand je me retrouve dans une émission, parce que, si tu veux, on est un peu... Moi, personnellement, je suis militant donc, à la radio, mais en même temps militant syndical. Là, je viens d'une réunion du syndicat Solidaire Sud, et bon, on prépare des petits événements, donc quelquefois, bon, l'actualité syndicale fait en sorte que j'arrive pas à vraiment préparer quelque chose, donc j'ai toujours avec moi 3 ou 4 émissions frigo. Mais ça sert, hein. Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, tous ensemble. Bonsoir, bonsoir amis auditrices, amis auditeurs de la radio La Clé des Ondes. C'est la 3e nuit des solidarités proposée par les animateurs d'Acetum, l'émission d'Assez Gironde, sur La Clé des Ondes qui démarre ce samedi 21 février. L'émission va durer sans interruption jusqu'au dimanche 22 février, 8h du matin. La nuit est à nous! La Clé des Ondes, quand elle s'est créée, c'était à l'époque, en 81, avec une bande de copains. Plutôt d'abord, ils étaient d'abord 5. Moi, je suis venu juste après, hein, 1 ou 2 mois après. Ils ont donc essayé de développer cette prise de parole, puisqu'on sentait déjà qu'il allait y avoir une libéralisation des ondes. Donc, on a occupé un créneau, ils ont occupé un créneau, puis ils ont appelé à tous les copains à venir les rejoindre. C'est là où on est arrivé pour faire des émissions. Et on a essayé de se répartir un peu le travail. C'est-à-dire que un des militants, on était tous militants associatifs ou syndicaux, hein, même engagés politiques, hein, mais on ne faisait pas part de cet engagement. C'était une radio, donc on se disait radio populaire, parce qu'il fallait donner la parole à tout ce qui était associatif, militant, syndical, qui n'avait jamais la parole. Et on a donc essayé de se répartir les tâches. C'est-à-dire qu'on avait un copain qui était président à l'époque et qui faisait une émission. Le mardi, c'était décaper l'actualité française. Moi, je m'étais engagé sur la tranche internationale, Afrique, Moyen-Orient. Hein, et d'autres copains s'étaient engagés sur le syndicalisme un peu plus précisément avec les organisations, d'autres avec les associations. On s'était un peu réparti le travail pour pas qu'on fasse pratiquement la même chose, parce qu'on a tendance un peu à faire la même chose. Et le vendredi, on se retrouvait tous pour chacun acheter un journal, hein, et puis voir un peu sur 3 ou 4 thèmes comment l'événement était vu en fonction des journaux. Hein. Bon, alors on tournait, parce qu'il fallait acheter le Figaro, alors personne ne voulait acheter le Figaro. Alors, la corvée du jour. Ah oui, non, c'est la corvée. Moi d'ailleurs, quand j'allais acheter le Figaro, quand c'était mon tour, j'allais l'acheter ailleurs que chez mon vendeur de journal habituel, parce que je me moquais tellement de ce journal et de son contenu pourri, que je voulais pas qu'ils me disent « Ah, mais vous l'achetez quand même !» Donc, on faisait cette émission-là. Bon, puis après, on a été un petit peu victime, comme toutes les associations, de pertes de militants, puis on s'use, hein, on s'use. Bon, heureusement que sur la Gironde, on s'est pas usé, on a quand même résisté. Un noyau dur s'est créé pour maintenir cette radio et la faire développer, tout en évitant d'être récupéré, d'être manipulé ou d'être introduit. Hein, parce que c'est ça, là, ce qui s'est passé ici en Gironde. C'est que beaucoup de radios dites démocratiquement ouvertes, on ne sait pas qui peut être derrière la démocratie. Nous, on avait fait une espèce d'association fermée, puisque la loi nous donne la possibilité de faire une association, loi 1901, fermée. C'est-à-dire un nombre précis d'adhérents et qui géraient la radio et qui l'ouvraient à des animateurs. Voilà. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'il y avait une tentative de récupération, on pouvait bloquer, parce que c'était l'association mère qui avait droit au chapitre et même voire droit de veto. Mm-hmm. Donc, nous, on a voulu garder cette structure. Alors on nous dit, ouais, mais c'est le Politburo. Alors bon, à l'époque, j'avais pas les cheveux blancs, j'avais un peu la barbe, comme ça. Oh, le Fidel Castro de la radio, il veut tout bloquer. Bon, on a eu beaucoup de critiques, hein, mais on n'a jamais eu, si tu veux, d'interdiction politique. On n'a jamais dit, bon, toi, ton émission ne correspond pas politiquement à nos idées, on vous interdit. Ça, on ne l'a jamais fait. Bon, déjà, les gens qui viennent chez nous, ils savent où ils mettent les pieds, puisqu'on discute avec eux, on leur explique qui on est, qu'on est une radio engagée à gauche. Bon, donc, nous, la gauche, ça va depuis l'extrême gauche avec toutes ces variantes jusqu'au Parti Socialiste. Voilà. Bon. C'est large, comme on pense. C'est large, la gauche, mais bon, alors, quelquefois, socialiste, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais ouais. Bon. Soyons quand même ouverts et démocratiques. Mais quand tu dis que vous n'avez jamais viré quelqu'un parce que, pour des raisons politiques, mais dans tout le discours que tu as, c'est quand même une définition très politique de la radio que, ah bien. Que oui. Vous avez. Ah oui, ouais. Si quelqu'un vient nous dit « je suis parti de l'UMP, je vais faire une émission chez vous », c'est niet. Ah, c'est sur les projets que vous filtrez voilà, dès le départ. Voilà, sur les projets. Et puis bon, pour tout te dire, on n'a pas eu quelqu'un de l'UMP qui est venu nous voir. Hein, bon, parce que quand ils écoutent la clésonne, ils savent qu'ils vont. Donc on a... Oui, mais tu sais comment se passent les débats à l'intérieur de la gauche, de l'extrême gauche, tout ça. Et quelquefois, à 5-6, on fait 3 parties. Bon, certains pensent qu'on n'est peut-être pas suffisamment engagé ou qu'on ne tient pas un discours archi-militant. Ça peut créer des dissensions. Mais on n'a jamais... chaque fois qu'on a accepté une émission, les personnes à l'intérieur sont libres de dire ce qu'elles veulent. Bon, dans le cadre d'une limite sur 2 points sur lesquels on est très ferme, c'est sur le sexisme et le racisme. Ça, on ne transige pas. Si on voit qu'une émission, on a eu quelques émissions où des jeunes sont arrivés, faisaient des blagues, bon, on leur a expliqué que les blagues passent pas comme ça à la radio. À la radio, on ne lit pas le premier, troisième, quatrième degré. C'est le gars qui écoute, c'est au premier degré, il ne te connaît pas. Donc on a eu des jeunes qui ont fait ça, bon, on a été obligés à un moment donné de les avertir, ils n'ont pas voulu céder. Bon, on a arrêté leur émission, on leur a dit, bon, maintenant vous arrêtez, c'est terminé. Alors, ils ont fait un grand truc, ouais, on va faire des pétitions, vous êtes contre la liberté d'expression, bon. Alors, ils ont essayé de faire remuer à Bordeaux, mais comme à Bordeaux, on est connu, les gens leur ont dit, hey, petit, vous attaquez pas la clé des ondes, allez vous coucher, hein, quand vous aurez tété tout ce que la clé des ondes a tété dans le militantisme, vous viendrez nous voir. Bon, ils ont arrêté. Mais il y a eu ça un petit peu. Bon, il y a eu des tentatives de récupérer un peu, de rentrer dans la direction pour... essayer de prendre en main parce que soi-disant qu'il fallait moderniser. Bon, tu sais, le discours de la modernisation sur tout ce qui existe a imprégné beaucoup de jeunes chez nous et certains trouvaient qu'on était ringards, il fallait moderniser et dans le discours et dans la composition. Bon, alors on dit, on se calme. On arrête ce genre de situation parce que si la clé des ondes a demeuré, c'est peut-être parce qu'elle peut être ringarde, peut-être, mais on a géré ça de façon claire. On a une autre aussi idée, c'est qu'on publie nos comptes. On n'a rien à cacher. Donc ça a toujours été transparent de ce côté-là. Voilà, alors une fois que cette radio s'est créée donc, dans les années 80, d'abord ça a été fait sous les toits de la maison d'un copain. Marc, non hein, Marc, oui, dans sa cuisine. Donc il a fallu donc, faire un petit... On avait acheté du matériel, il y avait un copain... qui est Mathias, qui était assez doué en électronique, électricité, donc il avait beaucoup aidé. Et puis ensuite, une fois qu'on a commencé à obtenir la subvention, il a fallu qu'on trouve des baraques quoi, où on peut se devenir indépendant de chez quelqu'un, parce que ça crée toujours des problèmes difficiles, d'aller chez quelqu'un. Donc on a eu un endroit qui était assez bien, hein, dans lequel on arrivait à émettre. Bon, cet endroit-là a brûlé. C'était où ça ? À la rue Tosia. Et ça a brûlé. Alors. En 84, je crois. 84, oui, ça a brûlé en 84. Bon, moi, je me rappelle, je faisais mon émission sur l'Afrique. Et les pompiers ont eu le malheur de mettre dans leur rapport que l'incendie leur paraissait bizarre. Alors, évidemment, les assurances sont tombées dessus. Et avant de nous rembourser, ils ont mis un certain temps. Bon, parce que, comme on était une radio engagée, alors est-ce qu'il y avait eu une attaque dans nos locaux ? Non, il n'y a pas eu d'attaque. Hein. La seule attaque qu'on a eue, c'est il n'y a pas longtemps, avant les élections de Sarkozy, ils ont balancé les couleurs d'affiches de l'UMP nous ont balancé de la colle sur la porte. Ils nous ont bloqué la serrure, il a fallu tout changer. Bon. Ah oui. Et une fois, quelqu'un nous a mis une petite bombe lacrymogène dans la boîte aux lettres. Bon, pendant 2-3 jours, on avait les yeux et le nez qui piquaient, mais bon, on n'a jamais eu vraiment de... Faut pas non plus... Bon. Bordeaux, il faut dire que Bordeaux, l'extrême droite n'est pas très active. Donc, de là, quand ça a brûlé, on a retrouvé un local qui se trouvait ici, là, à la place Ravzi, pas loin, mais ce local était frappé d'alignement. C'est-à-dire qu'il était prévu d'élargir le rond-point et que le jour où la mairie nous le réclamait, on était obligé de le lâcher. C'était une petite maisonnette, vraiment agréable, hein, avec un étage dans lequel on avait tout, comme ici, même un peu plus grand qu'ici. Et on avait un premier étage, hein, un rez-de-chaussée assez large, dans lequel on organisait des soirées, on organisait des fêtes. Alors toutes les associations portugaises, espagnoles organisaient des soirées qui leur rapportaient des sous puisqu'ils vendaient des boissons, etc. Puis ensuite, le jour, le plancher s'est écroulé un petit peu. Bon, alors par mesure de sécurité, on avait arrêté. Et bien sûr, la mairie nous a dit, voilà, maintenant, il faut récupérer ce lieu parce qu'on va élargir le rond-point. En effet, ils l'ont élargi. Donc, on a cherché. On ne voulait pas aller trop loin. On voulait quelque part pas loin de la ville. On voulait que ça soit agréable. On peut stationner les bus, les trams. Donc, on a trouvé ici. C'est un peu cher. Même très cher maintenant, puisque ça augmente régulièrement. Et on voudrait, depuis quelque temps, on réfléchit sur l'idée d'aller voir la mairie si elle ne peut pas nous procurer un local. Parce qu'il y a d'autres radios comme nous, par exemple O2 de Radio, Radio Campus, Radio Iguanodon à Blanquefort. Les mairies leur prêtent des locaux. Et bon, si on a 800 euros de loyer en moins, c'est quand même pas mal pour nous. Voilà, donc là on est installé depuis une dizaine d'années, bon ça se passe bien, le coin est agréable. C'est quoi comme type de quartier ici? C'est un quartier, c'est Bacalan, hein. Bordeaux Nord, c'était un quartier très très très populaire, mais je dirais prolétariat, lumpen prolétariat, docker du port, enfin bon, etc. Mais on est en train de l'améliorer, je ne sais pas si tu as vu en venant, déjà il y a le tram qui arrive pas loin, il y a les bus qui desservent bien. Heureusement qu'il y a des immeubles de quartier à loyer modéré, donc ce qui fait que ça restera un quartier un peu populaire. Mais on sent que déjà, les loyers commencent à prendre une certaine ampleur. Donc c'est un quartier dans lequel, comme tous les quartiers de Bordeaux, pratiquement, on a dégagé la population pauvre, précaire et compagnie pour y installer des bobos, quoi. Yes, some silence. On va clôturer cette émission avec un dernier petit morceau extrait donc de votre album L'air de rien. On rappelle que vous êtes en concert le 21 février du côté du Congo Café, ça c'est boulevard Albert 1er. Yeah. Barrière de Bègle. Très sympa le Congo Café. Ils organisent pas mal de petites sessions concerts. Boisson à volonté. Des rares derniers bars à concerts sur Bordeaux, effectivement, et qui auront une démarche. Et c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais on aurait pu en parler. Le Sonart ferme ses portes. Ouais. Si c'est vrai. Il paraît, ouais. Le Hollart ferme ses portes. Non. L'Inca ferme ses portes. Non. Et la Centrale ferme ses portes. C'est fini, les amis Bordeaux. C'est une catastrophe. Voilà, donc il reste le Congoz, quelques autres coins, mais voilà. Moi, personnellement, je suis très très triste, et voilà, bon, il n'y a plus grand chose à faire. Mais en tout cas, tout ça, c'est ferme. Bien, on va pouvoir dormir en paix. Voilà, on dormira tranquillement, il n'y aura plus de bruit dans la rue. Et c'est intéressant ce que tu dis, ça fait partie des problèmes de nous, de groupes musicaux bordelais. Et c'est vrai que pour trouver des lieux de concert, on s'en va beaucoup, effectivement. Alors, si en plus, le peu qui existe commence à fermer, c'est vrai que ça commence à être vraiment compliqué. Bah, écoutez, il faut financer, le... Bon, on va pas trop balancer. Non, mais ça fait partie de... Mais le budget de la culture... Voilà, c'est ça, c'est le budget de la culture de Bordeaux, de toute façon. C'est pas assez pathétique à Bordeaux. Et voilà, quand on sait qu'il y a 60% du budget qui va dans le Grand Théâtre, c'est bien, mais bon. Voilà, et... si, c'est vrai, 60% du budget de la culture de Bordeaux, tac, Grand Théâtre. Il faut financer, ça coûte cher. Et du coup, voilà, du coup, ben, le Sonart, pas de financement, et ça ferme, et compagnie. Bref, on sera peut-être une émission où on va pousser des gueulantes pendant une heure. Et puis voilà, comme d'hab, hein, jingle de fin improvisé par les invités. À la technique, c'était mon camarade Walid et moi-même pour vous servir. Ciao tout le monde, jingle. La clé. C'était un extrait d'Émergence, une émission non pas de Fréquence Paris Pluriel, mais de La Clé des Ondes, une radio bordelaise dont on est en train de parler avec Gilbert Anna. La clé. Donc cette radio, donc on a été victime, comme beaucoup d'associations et de militants, de la perte de militants. Donc à un moment donné, on avait après notre grande, pendant pratiquement 10 ans de radio qui fonctionnait beaucoup sur le militantisme, on a commencé à perdre un peu des acteurs directs pour venir intervenir à la radio. Dans les années 90, ça c'était. Voilà. Dans les années 90, d'ailleurs, c'est là où même on a été obligé d'embaucher Marc, qui est membre fondateur de la radio, hein, et qui maintenant est permanent de la radio. On a été obligé d'embaucher quelqu'un parce que le comportement militant tient compte du bien public, mais un comportement associatif un peu olé-olé, donc il a fallu réglementer tout ça. Donc on a embauché Marc pour qu'il soit là pour gérer de façon quotidienne la radio, repasser les émissions, faire attention à ce qui se passe la veille, s'ils ont laissé sale, comment remplir les dossiers, s'occuper aussi et de la trésorerie. Enfin on se partage un peu le travail. Et voilà. Donc cette perte de militants a fait qu'on a eu beaucoup de gens qui voulaient faire des émissions musicales. Bon, ça a été à un moment donné, je ne sais pas si la musique était devenue l'élément de contestation de la société, mais il y avait beaucoup de jeunes d'associations qui étaient vraiment dans la musique. Bon, c'est bien, mais bon, à côté de la musique, il faut parler. Puis après, ça dépend qu'est-ce que dit la musique. Et la musique disait de moins en moins de choses. Du moins dans celles qui étaient véhiculées de façon globale. Alors on essayait de sélectionner des gens qui, en même temps que faisaient de la musique, disent des choses qui sont liées à l'association, à la vie sociale et à la vie citoyenne. Bon. Donc on a eu beaucoup de demandes, on a refusé beaucoup de demandes musicales parce qu'à un moment donné, le rap était devenu l'idéologie dominante dans la musique, et une émission de rap, c'est bien, hein, on en passe du rap, mais bon. Et il a fallu aussi diversifier. Donc on a perduré comme ça, avec quelques militants qui ont gardé ces émissions un peu politiques et engagées. Hein. Il y en avait de moins en moins. D'ailleurs, ça a commencé à nous poser problème en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si c'est pour faire que de la musique, ça, c'est pas difficile. Hein. Et là, depuis quelques années, depuis les années du mouvement altermondialiste, des mouvements de chômeurs, et là depuis quelque temps des mouvements écologistes, et les jeunes qui se remobilisent, etc., on sent revenir ce militantisme. On le sent à la radio. Donc il y a une émission le lundi, il y a le mardi AC Gironde que tu connais, qui font une émission. Donc, qui font une émission sur l'actualité, le chômage, etc. On a des jeunes qui, des connexions sur tous les fronts, qui viennent régulièrement parler de choses très très intéressantes. D'autres qui suivent l'actualité municipale de Bordeaux, le comité le Palestine 33, les Amis de la Palestine, des associations écologistes chiches. Donc, qui se redynamisent dans ce mouvement-là. Alors, il y a un regain de militantisme qui revient. L'actualité, la situation politique et sociale aussi y participe. Hein. Donc on se dit, ça y est, c'est reparti, notre radio a un rôle important. Et en plus, depuis quelque temps quand même, ça fait quand même maintenant, depuis 1981 qu'on existe, sur Bordeaux, on devient, entre guillemets, incontournable. C'est-à-dire que quand on parle des radios, on est obligé de parler de la clé des ondes. Et personne aujourd'hui ne peut pas ne pas en parler. Là, par exemple, le parti de gauche, le parti communiste font un meeting, on va être reçu comme des rois. J'appelle, je leur fais une annonce, ils nous appellent, il faut qu'on vienne. L'université du troisième, non, pas du troisième âge, je suis méchant, du temps libre maintenant, on appelle ça. Ils organisent un débat sur les radios, La personne m'a appelé en disant on veut que la clé des ondes soit là. J'ai dit non, je peux pas, on est occupé. Non, on fait pas sans la clé des ondes. On peut pas faire une émission sur les radios associatives en Bordeaux sans qu'il y ait la clé des ondes. C'est plus possible. Du fait de notre ancienneté, du fait que beaucoup de gens nous connaissent. Vous êtes la plus vieille radio associative à Bordeaux ? On est, oui, la plus vieille. Il y en a beaucoup d'autres ? Il y en a d'autres. Il y a O2 de Radio, mais ils sont arrivés il y a 10 ans. Il y a Radio Campus, il y a 15 ans. Radio Vendelon, il y a 10 ans. Mais nous, on est là depuis 1981. On en a vu mourir. Radio CGT, Radio 100, Radio Aline, La Vague, La Vie au Grand Herz, Black Box qui a été acheté, Radio Sauvagine qui a été acheté par Nova. Donc tous ces radios-là ne sont plus... Alors, la nouvelle technique des groupes financiers, maintenant, ce n'est plus d'acheter la radio et de la nommer en son nom. Hein. Radio Nova, par exemple, non. Ils t'achètent des créneaux horaires. Black Box, par exemple, c'est une radio tournée vers la communauté noire, et l'ont acheté des créneaux d'horaires. Mais Black Box, ça existe toujours. Sauvagine, pareil. Ils l'ont acheté tous les créneaux les plus écoutés, on leur a acheté Nova. Bon, nous, on l'appelle Novagine, maintenant. Voilà. Une radio à Pessac, elle, c'est carrément la mairie qui a envoyé ses agents s'inscrire. Et puis, une fois qu'ils ont obtenu la majorité, ils ont fini par la détruire. Et donc, ce qui fait aussi que beaucoup de personnes dans ces radios-là, qui étaient des radios associatives, les ont quittées pour ces raisons-là et sont venues chez nous. Hein, on a par exemple quelqu'un qui faisait une très très bonne émission sur Radio Sauvagine qui s'appelle Musique du Monde. Bon, il est à la clé. Parce que bon, il y a des gens quand même encore qui croient qu'on peut faire les choses, pas forcément pour l'argent et avoir une certaine liberté d'opinion. Alors nous, la radio par rapport, si tu veux, aux autres, on est la seule radio, on ne fait pas de publicité. Bon, les autres en font un petit peu. Nous, on n'en fait pas du tout. Parce qu'on estime que notre indépendance passe par là. Hein, je vais te citer une anecdote, je ne sais pas si tu la retiendras. Moi, je militais à Sud PTT. J'étais responsable donc du syndicat de Sud ici en Gironde. Et au moment de la privatisation et de l'enclenchement de la transformation structurelle de France Télécom, Radio Campus a voulu organiser un débat entre la direction et le syndicat le plus contestataire de cette politique de privatisation. Donc on nous a mis en tête-à-tête. Et 3 jours avant l'émission, France Télécom se rend compte que c'était donc quelqu'un de Sud. Il ne voulait pas parler avec nous. Donc Radio Campus m'appelle, il dit « Bon, on annule l'émission. » J'ai dit « Non, tu n'annules pas. Tu maintiens et on dit à la radio qu'ils ne viennent pas pour telle ou telle raison. » Et non, on annule, ils ont annulé. Bon, ça m'a quand même un peu dans la tête, je me dis, mais bon, pourquoi est-ce qu'ils ont maintenu? Pourtant, ils se disent très engagés et tout. Et j'ai fait faire des recherches par des copains qui étaient à l'intérieur de France Télécom à la comptabilité. Ils nous étaient très sympathiques, qui n'étaient pas militants, mais qui nous envoyaient de l'info. Et m'ont envoyé de l'info comme quoi France Télécom les subventionnait pour faire de la publicité sur les portables, etc. etc. Donc, pour ne pas vexer leur financiers, ils ont préféré annuler. Donc, c'est pour ça qu'on se dit que même si on s'engage un petit peu et que notre budget est essentiellement dans cette affaire-là, on risque de perdre un petit peu de notre indépendance. Du coup, les financements de la radio, à part le fonds de soutien à l'expression radiophonique dont on a parlé, c'est quoi ? Donc, il y a les cotisations, mais bon, elles sont vraiment très très faibles. Hein. C'est 6 euros par mois, et encore, on discute, parce que bon, avec la précarité et le chômage, ça se discute. Mais on veut toujours que quelqu'un paye. Bon. Même si c'est 1 euro par mois, c'est 1 euro par mois. Pas de gratuité, parce que ça devient après... on a un débat sur la gratuité. Pas de gratuité, on discute du taux de ta cotisation. Ensuite, on a le Facilde, je ne sais pas si tu connais. Qui est l'accès maintenant. Voilà, donc qui aussi nous finance. Qui est en train de se casser la gueule. Quand même. Qui est en train de se casser la gueule. Bon, on verra où ça a donné. Bon, à l'époque, c'était le FAS qui était relativement autonome. Après, ils ont fait le Facilde. Après, c'est le préfet maintenant qui est un peu hors. Et évidemment. Mais bon, pour le moment, on a encore des subventions puisqu'on fait travailler des associations africaines, arabo, espagnoles, portugaises, même si encore on nous dit souvent c'est plus fini ça, c'est plus des étrangers, maintenant c'est l'Europe. Mais bon, ça reste quand même un peu... On fait un peu travailler les associations donc communautaires. Et on a de temps en temps le conseil général qui, nous, tous les trois ans, nous finance un petit peu pour changer le matériel. Voilà. Voici nos trois grosses sources de financement. Après, on a les relations amicales. Hein, tu vois qu'on a de beaux meubles là. Mais c'est des copains de la CGT qui travaillent dans les grosses boîtes, qui réforment les meubles. Alors ils nous appellent, oh, j'ai une table, j'ai des chaises, ça t'intéresse? Oui, ils viennent nous les livrer. Bon. Enfin, après, c'est un peu le système D, hein, puisqu'on est quand même assez impliqué dans le milieu associatif et militant à Bordeaux, donc on connaît quand même pas mal de monde. Et bon, on arrive quelquefois pour quand on a besoin d'une armoire, de quelque chose comme ça, on lance ça autour de nous et puis ça nous revient assez vite. Le cheval bleu se promène sur l'horizon. Là, vous bossez avec d'autres radios ou pas, du coup? Si, on bosse alors avec les autres radios. C'est pas qu'on bosse, on est en relation. Il y a une fédération qui s'appelle Fédéra 33. Donc, on se regroupe de temps en temps pour discuter, pour voir un peu sur les financements, sur voilà. On a ce genre de choses. À un moment donné, on a beaucoup travaillé avec O2 de Radio. Parce qu'on a eu un projet ensemble, à ce nom, hein, parce qu'ils sont dans la banlieue. Le maire voulait que la radio associative La Clé des Ondes travaille ensemble. Bon, on avait fait quelques petits projets, puis on a arrêté, parce qu'on s'est rendu compte que... Ou peut-être, je pense qu'ils ont eu peur de nous, en se disant, bon, la radio va nous absorber, O2 de Radio va mourir, bon, ils sont plus militants, enfin, je ne sais pas. Bon, c'est tombé à l'eau. Mais on a gardé des contacts avec des animateurs, et on s'échange des émissions. Par exemple, quand lui, le copain de O2 de Radio, fait un enregistrement intéressant dans une manif, il m'appelle et puis il me dit, voilà, j'ai ça, je l'envoie. Donc et inversement, quand je fais quelque chose aussi qui peut intéresser, je lui envoie. Donc on a un peu quelques échanges. Il y avait eu l'épisode de où vous avez participé à la FARL, oui. Fédération... Aquitaine des radios locales, que vous aviez renommé un petit peu différemment, vous? Fédération armée des radios libres. Ah oui, oui, bon, à l'époque, c'était... Il faut dire que dans le temps des années 80, 81, 78, c'était la lutte armée. Hein. On se libérait par la lutte armée, donc il fallait qu'on soit tout de suite la Fédération armée des radios libres. On s'était appelé aussi Radio Venceremos, puisqu'on avait des relations, on suivait beaucoup l'Amérique latine, hein, c'était la grande période des révolutions. Voilà, mais bon, c'est des petites anecdotes qui n'ont pas dépassé le cadre de nos structures et de nos militants, parce que, voilà. On a aussi, dans le cadre de nos émissions, on a une émission en direction des prisonniers. Voilà. Mais ça marche pas mal, tu vois. Tu t'appelles comment? Une heure pour Graduche, parce que... La prison est à Gradignan. On a eu des problèmes dans cette émission-là, parce que, bon, un jour, il y avait certaines dames qui avaient donc leur mari en prison et qui se sont mises à insulter les gardiens. Bon, à la limite, tant que c'était l'insulte de la fonction, ça allait, mais à un moment donné, ils commençaient à citer des noms. Jusqu'au jour, même une dame qui était assez tendue avait traité la juge d'instruction d'un terme très vulgaire, que les mecs ont tendance à employer pour les femmes qui soi-disant sont psychorigides, et on a eu donc elle a déposé plainte. Bon, la police nous a convoqués. Bon, on a demandé à ces dames de plus venir. On a dit que c'était un dérapage, qu'on pouvait pas tout contrôler, qu'on pouvait pas travailler en différé, un léger différé pour couper, parce que s'il fallait vraiment être équipé. Bon, bref. Et en fin de compte, c'est l'assistante sociale qui est intervenue auprès de la juge pour lui dire « S'il vous plaît, ne faites pas en sorte que cette émission soit annulée, parce que c'était une sorte de soupape de sécurité pour les prisonniers. Ça, c'était un premier élément. Puis le copain qui faisait cette émission il y a longtemps, il avait arrêté parce qu'il avait trouvé du travail, il était parti. Et pendant 6 mois, on avait arrêté. C'est l'assistante sociale qui nous a recontactés pour nous demander si on ne pouvait pas faire en sorte que... Elles reprennent, parce que les prisonniers, bon, ils attendaient tous les mercredis, ils attendent une heure pour Graduche. Alors, c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait deux radios, Radio Catholique de France qui le faisait le dimanche, et nous le mercredi. Parce que de temps en temps, on recevait des coups de fil ici le mercredi. « Allô, oui, je voudrais parler à mon mari qui est en prison. » « Ah bon, mais je suis bien chez Radio Catholique France. » « Non, non, c'est La Clé des Ondes. » Donc il y a deux radios qui font ça, et bon, C'est un endroit, alors il y a quelques anecdotes hein, qui, de temps en temps, quand on écoute, c'est sympathique parce que vous entendez dire la dame à son mari, oui, alors j'ai vu qui tu sais, je lui ai transmis ce dont tu m'as donné et j'ai vu l'autre, mais sans vraiment donner de nom. On a l'impression qu'il y a des codes qui passent, alors ça nous fait rigoler. Ça, c'est le côté sympathique. Puis le côté comico-triste, c'est quand la femme appelle son mari, elle dit ouais, j'étais à la plage avec les enfants, il fait beau, il y a le soleil, on s'imagine l'autre, trois dans une cellule sur de 5 mètres carrés. Bon. Mais par moments, c'est assez émouvant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et autres, voici Lumière Lumière, l'émission que personne n'attend, par Bernard Collignon et Hart van de Ken, qui a raté l'indicatif, mais qui va vous passer de Arthur Rubinstein. Et je vous parle aujourd'hui de Britannicus de Racine, dans l'émission Lumière Lumière. Quant à Rubinstein, ben je l'attends toujours, et puis je ne l'entends toujours pas. Alors donc, chers amis, Britannicus de Racine, ça vous rappelle quand même bien quelque chose. Alors j'explique tout de même un tantinet. Britannicus avait 13 ans lorsqu'il mourut. Racine lui en a donné 18 pour la plus grande vraisemblance. Non qu'on ne puisse être amoureux à 13 ans, c'est même souvent mieux à 13 qu'à 18. Mais ça fait un peu bambino. Seulement à 18, le public s'intéressera davantage à ce prince malheureux dont le grand tort fut d'être le beau-frère et le demi-frère, en plus par alliance, de Néron. Vous suivez bien, parce que ça va être assez compliqué. Or, qu'y a-t-il de plus tyrannique que de convoiter la petite amie de son beau-frère ? Néron, donc, à peine plus âgé, fait enlever Junie, avec un N, et lui ordonne de l'aimer, ce qui veut dire de l'épouser. On n'ordonne pas cela. Il faut être fou ou empereur, ce qui fut souvent synonyme. Rien ne rend plus rapidement fou que de pouvoir faire absolument tout ce que l'on veut, c'est-à-dire de jouir du pouvoir absolu. Or, ce pouvoir absolu, Néron ne l'a pas, pas encore. Il y a sa mère, la mamma mamelue et non pas poitrinaire, Agrippine, dont le nom prête au calembour. Agrippine, soyons sérieux, a tué son mari, c'est la vie de tous les jours, et commande à la place de son grand-fils qui s'exaspère. Alors, pour faire enrager maman, on tombe amoureux de Junie, d'une part, et on menace d'exécuter Britannicus, d'autre part. Ce n'est pas plus compliqué que Dallas ou Caroline de Monaco. C'était un extrait de Lumière Lumière, une émission de la Clé des Ondes, un jour où elle a été captée par Dominique Emmanuel Blanchard. Si vous voulez en savoir plus sur Britannicus, vous en trouverez d'ailleurs de plus larges extraits sur Internet. Quant à nous, on revient à l'entretien avec Gilles Berana sur l'histoire de cette radio bordelaise. Vous ne quittez pas la Clef des Ondes. Au revoir, auf Wiedersehen, bye bye, lechitraut, adios. Comment tu définirais en fait la grille de l'antenne de la Clef des Ondes de manière générale ? Une grille... comment dire ? Une grille qui essaye... Bon, c'est la grille de la parole. C'est-à-dire, on est enfermé derrière un bureau, mais on donne la parole. Donc, ça, moi, pour moi, c'est la grille de la parole des autres. Voilà. Si j'avais une définition à donner à notre grille, c'est celle-ci. C'est-à-dire que c'est l'opposition entre la grille qui ferme la prison, puisqu'on est dans des locaux, et en même temps, elle nous permet de donner la parole à tout le monde, aux associations arabophones, aux associations africaines, aux associations portugaises, espagnoles, aux chômeurs, aux prisonniers, voilà. Ça, c'est un peu si j'ai une définition, c'est celle-ci. Là, actuellement, il y a combien d'animateurs à la Clé des Ondes ? 95 animateurs. Hein. Et il y a combien d'émissions ? 3 émissions par jour, hein, les après-midi. Donc, entre 28 et 30 émissions. Hein. Avec, bien sûr, des émissions plus larges, portugaises, le samedi et le dimanche, parce qu'on avait consacré un petit peu la grille du samedi-dimanche aux associations étrangères. Puisque bon, les gens travaillent hein, et la seule manière pour s'exprimer, c'est à eux. Donc ils ont 3-4 heures, mais dans ces 3-4 heures, il y a plusieurs émissions. Voilà. Tu as une émission qui politique, tu as une émission ensuite musicale, et puis après associative. Par exemple, Onda Latinas Americana, qui est le samedi après-midi, à l'intérieur de son émission, il y a 3 émissions. Il y a une émission politique, une émission musicale, une émission un peu de variété entre ces gens-là. Vous avez changé plusieurs fois de fréquence. Là, vous êtes sur le 90.1. Voilà. Le CSA vous a fait un petit peu bouger. Alors, oui. Quand est arrivée la nuit bleue, ce qu'ils avaient appelé à l'époque la nuit bleue, hein, ça veut dire qu'ils avaient transformé toutes les radios. En fait, c'était une opération pour donner aux radios nationales, qui ont un caractère national, qui se veulent locales, la même fréquence un peu partout. Alors nous, 95.3, c'était Chérie FM qui était dessus, dans beaucoup de villes. Donc ils ont voulu nous déplacer. On a eu peur, on s'est dit merde, et on va nous déplacer pour nous amener ailleurs et peut-être nous regrouper. Non, on nous a mis 90.10. Alors là, on avait quelques inquiétudes parce qu'on était à côté de France Inter. France Inter émet à 8,8 kW. Nous, on émet à 1,2 kW. Donc on s'est dit, on va se faire un peu... Eh bien non, non seulement on n'a pas été brouillé, mais en plus on a gagné des auditeurs. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui cherchent France Inter, quelquefois tombés par hasard sur notre radio, ils écoutaient la musique, le discours, et puis on recevait des mails. Ah. Donc en fait, on a été bénéficiaires. Bon, mais ça a été une inquiétude. Ce moment-là, on a été inquiet. On s'est dit, merde, bon. D'autant plus qu'on avait quand même toutes nos brochures, tous nos papiers sur ce 95.3, il a fait tout changer. Mmh. Ça a l'air de rien, mais... Tous les autocollants qu'on a, il fallait les refaire. Bon, enfin, on a réussi à absorber ça. Mais on a eu une deuxième inquiétude. C'est quand, il y a 2 ans, on a fait renouveler la demande de fréquence. Parce qu'à un moment donné, ils ont voulu introduire sur Bordeaux la radio Move. Parce qu'à l'époque, ils avaient tenté de faire disparaître FIP. Il y a eu un tollé général des auditeurs de FIP à Bordeaux. La Clé des Ondes, on leur a donné la parole, très ouvertement d'ailleurs, ils nous avaient remercié, on était la seule radio qui avait donné cette possibilité d'expression, et ils n'ont pas pu la faire disparaître. Donc le Radio Move n'avait pas été créé à Bordeaux. Et l'année, il y a 2 ans, donc ils voulaient dégager une fréquence pour mettre une radio, et on a eu peur. Alors ils nous ont fait faire une demande de renouvellement d'émettre, et on s'est dit, oulala, on sentait venir... Parce qu'on nous avait envoyé une dame de Paris qui était venue faire une enquête sur O2 de radio, Radio Iguanodon et Radio Campus, et nous. On s'est dit, on se ressemble plus ou moins, ils vont se dire, allez, il y a quatre fréquences, on en regroupe 2 et on en libère 2. On s'est dit, ça va seulement aller comme ça. Et même si avec O2 de radio, on partage beaucoup de choses, on n'a quand même pas la même ligne éditoriale, bon, et puis la manière de fonctionner est totalement différente, on s'est dit que ça peut être la mort, parce qu'on a assisté à Paris où ils avaient regroupé plusieurs radios dans une seule fréquence, et elles ont fini par se mourir, alors qui occupe telle émission, tel jour, bon, c'est toujours le même problème. Et là, quand on a eu la demande de renouvellement, on s'est dit qu'il faut qu'on ait un dossier béton. Mais quand je dis béton, c'est qu'il faut que toutes les associations de Bordeaux, syndicales, associatives et même partis politiques, nous envoient une lettre de soutien. Et on a mené une opération de lobbying sur toutes les associations. On a eu la signature de tout le monde, Parti socialiste, Parti communiste, Mouvement des citoyens, CGT, CFDT, FO, CFTC, Solidaires, Sud-PTT... toutes les associations avaient vraiment un soutien vraiment, dans lequel ils nous disaient la radio Clé des Ondes est indispensable. Et c'est vrai que sur les débats politico-syndicales, on est incontournable. Dernièrement, pour la grève du 19, on est la seule radio qui avons mis tous les syndicats, je dis bien, sauf la CFTC et la CGC, UNSA, Solidaires, CGT, CFDT, tous, ici à la radio pour débattre sur la grève du 19. Et là, on est en train de les recontacter pour les remettre sur la même table pour dire qu'est-ce qu'on fait après le 19. Est-ce qu'on attend le 1er mai? Est-ce qu'on fait autre chose? Donc, alors tout le monde a écrit comme quoi la radio, la Clé des Ondes était indispensable. Et c'est nous qui, avant les élections municipales ou présidentielles, mettons sur la même table, à l'époque la LCR, jusqu'au Parti Socialiste, à discuter des programmes, des confrontations entre eux. Donc on avait fait un dossier béton. D'ailleurs, quand on a déposé le dossier... Le CTRL, le truc régional des radios, n'a pas regardé si le dossier était bien plein. Il est allé directement à la fin pour voir les soutiens. Et quand il a passé sa main et qu'il a dévoilé, oh là là, vous en avez du soutien. On s'est dit, bon, ils ont pris conscience qu'il ne fallait pas nous toucher pour le moment. Ça, c'est une des premières tentatives. Alors maintenant, on a une deuxième inquiétude, c'est le passage au numérique. Voilà, bon, ça, je crois que même vous, Fréquence Plurielle, enfin, on est tous là. Alors, on avait deux attitudes. Soit on suivait une bonne partie des radios qui disaient « on ne fait pas la demande, on s'en fout, on verra et puis on se battra », ou on fait la demande et on verra. Bon, on a longuement hésité, puis on a décidé de faire la demande. Donc on a fait la demande, et puis après on verra comment, s'il faut les subventions ou s'il faut s'organiser collectivement. Bon. Donc on en est là. Alors on ne sait pas. Alors ce qu'on sait, c'est que je crois qu'au Canada ou en Angleterre, ils sont en train de lâcher le projet, peut-être. C'était au Canada qu'ils avaient lancé le truc, puis personne n'avait acheté de récepteur numérique. Ils ont un peu fait marche arrière, mais je crois qu'ils ont relancé la machine. La machine. Alors bon, on ne sait pas. Peut-être que la résistance citoyenne fera en sorte que ça ne passera pas. C'est un inconvénient pour nous. C'est un avantage pour eux parce qu'ils pourront mettre doubler pratiquement les radios sur la fréquence FM. Mais nous, c'est un inconvénient parce que avec notre antenne qui est bien placée là en hauteur, on va assez loin, on couvre. Il y a des endroits où on va presque pratiquement jusqu'à l'océan. Bon, du côté de Bouliac, là-bas, c'est plus compliqué parce que c'est vallonné. Il y a la grande antenne qui émet pour toutes les radios. Donc, c'est un peu plus limité. Mais d'autres endroits, on arrose large. Alors, si on arrive au numérique, on a vu d'après la technique, ça va nous limiter. Donc, on sera un peu moins écouté. Bon. À la dernière réunion, ils nous ont expliqué que le numérique c'était extraordinaire, qu'on pouvait voir la photo de... Alors la dame qui était là nous dit « Ouais, vous allez voir la photo de l'animateur, on pourra même passer des clips. » Alors je lève la main, elle me dit « Oui, je dis, vous êtes en train de réinventer la télé, quoi. Bon. » Bon, rire dans la salle. Bon. Alors on m'a expliqué que non, c'était important, moderne. Bon. Bref, voilà, ça c'est une des inquiétudes. Bon, après on verra comment on s'organise autour de ça. Hein. Ça va être aussi encore une... système qui va peut-être permettre d'éliminer des radios. Je sais qu'on est dans le collimateur, hein, mais d'un autre côté, de temps en temps, dans les manifs, on rencontre les renseignements généraux qui nous disent qu'ils nous écoutent beaucoup, parce qu'on est les seuls qui informons sur les manifs. Sur les... Alors bon, peut-être qu'on aura le soutien de la police, alors ça sera la meilleure quand même. Hein. Ça sera la fin de la clé des ondes. Et qu'est-ce que tu penses plus généralement, qu'est-ce que vous pensez à la clé des ondes du paysage radiophonique, enfin des paysages des radios associatives aujourd'hui ? Sur la clé des ondes, ben, le paysage des radios associatives, c'est un paysage, je le trouve un peu triste, mou, ça manque de niaque. Je pense qu'ils ont perdu l'idée de rêve de faire quelque chose avec les radios. Et chaque fois qu'on est en relation... Enfin, je ne sais pas, au niveau parisien, je ne sais pas, mais au niveau local, quand on est en relation avec eux, ils cherchent toujours à s'adapter. Bon, alors oui, non, mais il faut s'adapter aux jeunes, il faut s'adapter à la demande, il faut s'adapter. Je pense qu'on n'est pas là pour nous adapter. On est là, on défend des idées, il faut les mettre en avant. Même si par moments, elles paraissent ringardes, bon, c'est un recul. Alors, est-ce qu'on est une radio militante, on tient le flambeau en attendant... de mettre le feu à la forêt, j'en sais rien. Mais il y a des débats de fond qui ne sont pas totalement perdus dans la société, dont les gens discutent un petit peu, peut-être pas de façon nationale. Et je trouve, chaque fois qu'on se retrouve entre nous, les radios, comme ça, associatives, ben, on nous parle d'adaptation, il faut savoir accepter certaines choses. Les gens ne veulent plus entendre parler de... Alors, je ne sais pas, on parle toujours au nom des gens, mais on ne sait pas ce que les gens veulent. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'autour de moi, c'est que quand j'entends des gens me dire « Ah, on vous a écouté, vous avez fait un débat intéressant hier. Ah, pour une fois qu'il y avait quand même les syndicats qui étaient là, qui disaient des choses. » Bon, ça veut dire qu'on n'est pas totalement foutus. Hein, et je crois que l'air du temps dissout un peu dans cette ambiance toutes ces radios associatives. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, bon, c'est un moyen d'expression. D'autant, je pense, moi, personnellement, qu'on en aura besoin dans pas longtemps. Vu que la situation s'échauffe, vu qu'il y a la reprise en main des radios officielles, je vois là qu'on fait sauter Cluzel à France Inter pour y mettre quelqu'un, un sarkozyste pur et dur, ça veut dire que l'expression radiophonique va totalement être aux ordres. Bon. Idéologiquement, elle est déjà pas mal, hein, globalement. Mais bon, il y a encore des impertinences d'ici, de là. Mais qui nous dit pas que dans un mouvement social organisé de lutte type de la Guadeloupe, 40-45 jours de grève, c'est des radios comme nous qui donneront l'information. Je crois que c'est ça qu'il faut mettre en tête. C'est que dans les mouvements sociaux assez durs, dans les années, la lutte contre le plan Juppé sur les retraites, la lutte en 2005 sur le CPE, on a été une source d'information importante. Je crois que tous les mouvements associatifs écoutaient la clé pour avoir quelques infos, on essayait d'organiser des débats, on allait dans les manifs. Ça, c'est important. Alors, je pense qu'il ne faut pas que les radios, de façon globale, se ramollissent. Il faut qu'elles restent toujours bon pied, bon œil. Ben, merci beaucoup. Voilà. Il est temps de cueillir des tomates. Non. Ah, si, attends, moi j'ai une question. Oui. Le slogan de la clé des ondes. Alors, notre slogan, c'est une longue histoire. Comité directeur de l'époque, on était nombreux, hein, il y avait du monde, c'était pas aussi restreint que maintenant. Et on voulait trouver un slogan. Bon, on était tous impliqués dans la, je sais pas si tu te rappelles, dans la collection Maspero. Collection Maspero, tu avais ce petit bonhomme là qui vendait le journal à la criée, un peu des barricades. Donc on a utilisé ce personnage, hein, pour lui donner une forme en tenant un micro et un espèce de magnéto. Ensuite, on a dit quand même, il faut qu'il y ait un slogan. Et je ne sais pas si tu te rappelles la grande manifestation dans les années 70-80 sur le Larzac. Ça a été un grand truc, immense contre l'armée. Il y avait du monde partout. Et il y avait un journal qui s'appelait Rouge, qui était le journal de la Ligue. Et dans une des photos, il y avait un gars qui, il a plu ce jour-là, il avait mis le journal sur la tête, comme ça. Et il y avait une photo qui avait été prise par un journaliste. Et les militants de la LCR à l'époque avaient mis Rouge, un journal qui se mouille. Bon. Et dans les débats, c'est arrivé cette idée, la radio qui se mouille. Ah oui, bon, alors, il se mouille pourquoi ? Bon. En plus, ça tombait bien, parce que je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, moi maintenant, mais en Gironde, on disait que c'était, après la Bretagne, c'était le pays où il pleuvait le plus. Et le département de la Gironde avait la réputation d'un département pluvieux. Alors bon, alors donc la radio qui se mouille, mais oui, mais pour, il se mouille pourquoi ? Mais pour qu'il fasse beau. Et voilà, donc de là, ça nous a plu, bon, et puis voilà, depuis on a gardé ce thème de la clé des ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. Voilà, c'était l'histoire populaire de la clé des ondes, d'une radio bordelaise qui émet là-bas sur le 90.1 et que vous pouvez d'ailleurs aussi écouter sur internet où vous retrouverez les petits bruitages qui ont parsemé ce montage. On discutait donc avec Gilbert Anna, un des anciens de la radio. Cette émission sera rediffusée mercredi 29 avril à 10h sur FPP. Elle restera ensuite disponible sur www.tempestive.net. Et tout de suite, vous n'avez pas intérêt à quitter parce que vous allez entrer dans la salle 101. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.